L'exposition des beaux-arts au niveau central à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il est ouverte le 14 courant au musée des beaux-arts de Corée. Y ont pris part Kim Gi-nam, les officiels intéressés et les travailleurs de la ville de Pyongyang. Y étaient exposés des ouvrages picturaux représentant la vie révolutionnaire et les qualités de grand homme du camarade Kim Jong-il et des dizaines de tableaux de peinture représentant l'aspect fier de notre patrie qui applique les recommandations du général sous la direction du maréchal Kim Jong-un.